Fréquence Club, 7h-9h, le son qui vous va bien. RPL Radio, en DAB+, et sur 99 FM. Et maintenant, en platine, papa. Hello, hello, la planète RPL. Bonjour et bienvenue dans Fréquence Club, votre after vitaminé du samedi matin sur votre radio RPL. On écoute sur le 99 FM dans la grande métropole lilloise, en radio numérique pour ceux qui sont équipés, ou directement sur le site de la radio. C'est Kimbo pour vous accompagner jusqu'à 9h. On remercie chaleureusement Tonton J et son émission Back to the House. Il sera au rendez-vous samedi prochain. Et avant lui, c'était Soaking avec son émission So Disco Jacking. Nous sommes partis pour 2 heures de musique électronique. Ce matin, on va se faire 2 heures de mix. Une heure plutôt calme. On va partir dans une ambiance tech house. Et dans la deuxième heure, ce sera plutôt tech house techno. Donc si t'es au boulot, ben on te souhaite bon courage. Et si t'es dans ton lit, move ton body. Allez, on continue ton week-end électronique. Just like addiction.

RPL Radio. DAB+, Fréquence Club, le son qui vous va bien. So all that I have to say must penetrate. You are my reflection. There's no other way to communicate. You are all I need to survive. You help to sustain my life. I don't know what I would do without you. Because if I don't breathe, you don't exist. If I don't call you by your name, I've misrepresented my soul. sur les ondes d'RPL. tous les replays sur le www.fréquenceclub.com. Thank you. C'est la base, mec. Première heure de Fréquence Club s'achève, restez calés, on va partir sur de la tech house techno, donc ça va plutôt être des morceaux de 2017, oui j'ai trié mes disques durs, donc il y en a certains que vous allez reconnaître que j'ai mixé l'an dernier et d'autres que j'avais pas eu l'occasion, donc restez calés, on va enchaîner. We'll be right back.